Chapitre 228. La recommandation de jeûner 6 jours du mois de Shawwal. 1254. D'après Abu Ayyub, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre par 6 jours de jeûne pendant le mois de Shawwal, c'est comme s'il jeûnait l'année entière. » Muslim.